dernier. Ouais, ouais. Le jeu pro est carré, je ne sais garer l'histoire dans un fichier zip. J'en ai plus rien à carrer, j'ai plus aucun rêve, loin de vos carrés vip. Qu'est-ce qui se passe ici, entraînement intensif. Des petites faces et six hops, entièrement insensibles. On t'arrache à 100 000 sur un trapu de marave ton pif. Pareil de la Katsuki, ça a aucune académie. Tiens, j'ai pas la tête faite pour les règles. Depuis que je vois les mêmes dans les caisses souterraines. Tellement c'est de la baisse, tu peux plus t'asseoir. On sent tellement seul qu'on parle plus qu'à soi. La triche est la base, il t'arrache des ratiches. Y'a du sang qui tâche, tout est Maserati. À quoi s'attacher, saccager la cage. Pousser les frontières, modifier la carte. Y'a que la santé qui compte, mais rien à compter quand on a les sans paix. Ils sont plus en plus cons, loin des limites vont devenir légendaires. La vie est belle, alors hors dans le sud. Ou quand t'as peur, assez tort dans le cul. Je casse des bouches, t'as des nouvelles de genre. Crié parmi mille comme un couplet de Sean. Puis une piste, leur style, je le pille, jeune pitre. J'dors dans le but, bande de Mr. Bean. J'écris des petites torpilles pendant qu'ils sortent. Oui, prévoyez le pitch, prévoyez le pire. Mais vous m'attendez pas pour le faire. Un pour le brick dans les îles, deux pour les mettre dans les airs. Pour remettre leur mère en lisie. J'ai tordu mes limites en scred. Imminente crise, trouver l'imminence grise. T'es qui danse bise, on met ton équipe en stress. Et tu connais pas le respect qu'on t'instruise. Voilà le skills, comme gangsta. Deux heures du match, j'ai encore dans le stade. Faut devenir un pion, il faut l'école dans ce cadre. J'ai jamais dans le pas, je drive solo. Bye d'astronaute. Qu'est-ce qui se passe ici, entraînement intensif. Des petites faces et six hops, entièrement insensibles. On t'arrache à 100 000 sur un track qui te marave ton pif. Bye de la Katsuki, ça a aucune académie. J'ai repoussé mes limites. Décuplé ma soif fort comme un super saiyan. T'es du père, ça y est, c'est fini. T'es ma tous ces wax, on m'appelle d'air Nike, ils sont mimi. J'ai de quoi les grailler dans un vulgaire cahier. J'ai abus d'herbe sky ou à la vue des douaniers. Ma plume pèse grave, on a dû s'éloigner. J'ai atteint dernier dalle, tu peux en témoigner. Tu peux vendre autant, kicker des prods piratés. J'fume la pépère sirotant, Jack la pupille dilatée. J'ai vidé la taille, fait des débilités. J'ai vidé militants, des faits d'humilité. J'préfère t'humilier que le 9000 me tend. Car mon seum s'immisce dans la moindre futilité. Ils m'ont fui trop longtemps. Bon gars, affronter l'État. C'est la fronde des l'État qu'on est refondé les gars. Ils préfèrent monter des plans qu'à raconter des blagues. J'fais que monter des marches, viser la cime de la pyramide. C'est la banane la pire au monde. Son putain de sommet se détache. J'veux le putain de monnaie cash. Le bulletin, le compte épargne. Toucher la compte sur ce qu'on prépare. Au fond, j'rêve juste d'un second départ. J'veux pas que mon plat soit ce qu'en départ. Une foule en liesse qui m'idolâtre. J'rafale en veste par rire jaunâtre. Deux secondaires par au son des balles. Qu'est-ce qui se passe ici, entraînement intensif. Des petites faces et six hops, entièrement insensibles. On t'arrache à 100 000 sur un track qui te marave ton pif. Bye de la Katsuki, ça a aucune académie. Qu'est-ce qui se passe ici, entraînement intensif. Des petites faces et six hops, entièrement insensibles. On t'arrache à 100 000 sur un track qui te marave ton pif. Bye de la Katsuki, ça a aucune académie. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Crac-crac radio sud.net. 101.8. La 25e, il est 23h03 exactement. On est toujours avec les puristes dans la maison. Ça fait plaisir d'accueillir l'équipe. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, il nous reste une heure d'émission jusqu'à minuit. Donc vous pouvez vous abonner, aller les follow sur Instagram, Puriste Musique, P-U-R-E-A-S-T, Musique, M-U-S-I-C. Le YouTube, le Facebook, c'est Puriste, tout simple. Donc vous vous abonnez, vous allez tomber sur pas mal d'actualités, pas mal d'anciens bails. Sur YouTube, ça retrace un peu le parcours de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Donc ce soir, ça fait plaisir, on est là pour la promo de l'album 15 titres. Virus qui est sorti le 20 décembre sur les plateformes streaming. Comme vous avez pu l'entendre juste avant, il y a eu un petit retard pour les versions physiques, mais ça va arriver. Et merci en tout cas à tous les auditeurs de Radio Sud, que ce soit sur internet sur radiosud.net, que ce soit sur les bandes FM directement sur 101.8. On sait que le jeudi soir de 22h à minuit, il y a une bonne audience, donc ça fait chaud au cœur. Et nous, on continue, on est là depuis février dernier, et on est là tous les jeudis. Donc ce soir, l'émission spéciale Puriste, donc essentiellement la promo de l'album, évidemment. J'avais encore plusieurs questions à vous poser. Donc on va dire qu'au niveau des questions, je vais aller du plus sérieux au moins sérieux. Voilà, je vous préviens d'avance. La soirée continue tout doucement, la soirée n'est pas terminée. Donc la première question que j'ai à vous poser, c'est comment ça se passe pour les feats, pour les featuring, pour poser avec vous. Comment ça se passe? Est-ce que entre guillemets n'importe qui peut venir vous voir et vous dire c'était un truc de ouf, il y a eu un blanc et tout. Bah alors en fait non, j'ai envie de te dire comme n'importe quel MC déjà, n'importe qui peut, enfin je sais pas, après on est déjà beaucoup sans si tu veux. Prétention aucune, hein. En fait si tu veux on est déjà beaucoup sans prétention aucune, donc en mais fait non, n'importe quel MC peut pas venir nous contacter pour un feat, comme nous mêmes on peut pas contacter n'importe quel MC pour un feat, frère, tu vois, tout simplement. C'est déjà nous, on est dans un délire famille déjà un peu. Voilà, au niveau du son, c'est un peu ça la base du truc déjà. Après moi personnellement, Lio, j'ai fait pas mal de feats avec beaucoup de monde. Moi j'ai aussi, beaucoup ouais, bougé. Rizzo aussi. Voilà, on est les deux plus vagabonds du groupe. Donc forcément, on a fait pas mal de feats avec des gens de l'extérieur qu'on big up tous autant qu'ils sont et toute leur équipe. Mais bah après, voilà, on marche à l'affect, frère. Tu vois, c'est comme ça, tu vois. C'est la femme. Après, c'est moi, j'ai jamais fait un feat avec quelqu'un sans avoir tapé une ou deux soirées avec lui avant, tu vois. Enfin, je sais pas. Mais c'est même pas voulu, hein. C'est même pas voulu. C'est juste les choses, elles se passent comme ça. C'est plus ça s'entend bien dans la vie. Tu fais du son, je fais du son. Vas-y, viens, on claque un truc, frère. Ah, c'est ça, c'est des rencontres. C'est un peu importe. Des fois, niveau, des mecs qu'on a rencontrés en concert et tout. Vois, on s'en fout. Après, on s'entend bien, viens, on claque un truc. Après, au niveau de puriste, il y a des surprises, tu vois. Il y a des surprises qui vont se faire. Mais bon, voilà. Les gens avec qui on a bossé. Les personnes même avec qui on va bosser là, puriste à l'heure qu'il est, c'est proche. Voilà, c'est des proches en fait. C'est pas question de la famille, c'est pas question du rap même en lui-même. C'est question, voilà, c'est des refs, on passe une, deux, trois soirées ensemble, on casse des bars, trucs. C'est même pas le rap qui est au centre de la discussion en fait. C'est juste c'est le ça. Moment, sur l'instant, on passe une bonne soirée, on casse des bars surtout. On parle même pas du rap. Et ben après, ouais, par la suite, ben, ça se rapproche et puis... voilà, en gros, si tu veux qu'on fasse un feat, viens, on tape des soirées ensemble. C'est ça se fera, t'as capté. Dans les ouais, c'est l'humain avant c'est le. Ça. C'est ça. En, ouais, en vérité, pour résumer, on n'a jamais fait un feat avec une personne qu'on connaissait pas. C'est jamais arrivé, ça, tu vois. Jamais vraiment arrivé. jamais arrivé. Ouais. C'est pas exclu, mais ouais, c'est pas l'ordre du jour. Et si demain il y a un mec là, il dit putain les gars, j'ai saigné après, votre. Ça dépend en quelle heure. Ouais, demain, moi je me lève tard en plus. Demain, non, ouais, moi je serai levé tôt. Donc... Mais après. Plus dans le week-end déjà, plus dans le week-end. Ouais, genre voilà, genre samedi, et tu soir, vois. Le soir. Samedi 14h, tu reçois une petite demande sur Insta d'un mec que tu connais pas et qui te dit. Ouais, et tu vois que le gars, il est entre guillemets, voilà, il est en place, il a, on va dire, une fanbase, tout ça, il a plein de projets. Ah, mais ça, on s'en fout, frère. Tu vois, et il arrive et il dit... Moi, j'ai pas de fanbase, j'en veux pas. Les gars, j'ai saigné votre projet depuis le 20 décembre, bah, je viens, connaissais on pas, nanana, est-ce que... maintenant on se capte, frère, viens, on se capte. Bah, viens, on se pète déjà, on se capte, on passe une soirée, on discute, viens nous voir, ou même on vient te voir, c'est pas grave, il n'y a pas de galère. Mais après, souvent, ce qu'il y a aussi à l'intérieur des feats, c'est que si tu veux... il y a pas mal de gens même qui demandent ouais mais après on taffe, tu vois, là il y a l'album qui est sorti, mais chacun aussi dans son coin il taffe des trucs et puis là on repense à retaffer des trucs de groupe, tu vois ce que je veux dire, c'est souvent aussi niveau de travail, pas niveau du, parce que le boug il vient, il pose bien, non, il y a pas de galère, mais déjà viens nous voir parce que nous on fonctionne à l'affectif, ouais. On fonctionne, voilà, on se connaît, on se check, on a passé 2-3 soirées ensemble, on a bien rigolé et les plupart des feats qu'on a fait, voilà, comme disait Lio, c'est qu'avec truc, des quoi, personnes a, comme a, ça, voilà, il y a un truc qui s'est fait, donc la connexion elle est là, puis on, après c'est plus faire des feats en fait, c'est juste tu poses avec un poteau, un ferro, ouais. Normal quoi. Si. Voilà. Question un peu plus, vous allez comprendre, votre avis sur l'évolution du rap actuel. Faut qu'on parle chacun notre tour là. Question ou de ouf. Comment soit vous répondez pour puriste, soit moi, chacun donne son avis et il n'y a rien, tu vois. Ouais, je pense qu'on a chacun notre avis. Après, je pense qu'on a déjà. S2. Ouais, déjà, un peu pour tout le monde, je pense. On la kiffe l'évolution du rap, tu vois. Ouais. Le rap maintenant, il est vraiment riche, tu vois. Il y a énormément de trucs. Après, c'est comme dans toutes les musiques, comme à toutes les époques. Tu dois faire le tri, tu vois. Si je dis un truc banal, tu vois, c'est normal. Tu dois faire le tri. Mais maintenant, dans le rap, il y a énormément de trucs. Les prods de maintenant, moi je trouve qu'elles démontent, tu vois. Il y a toujours encore les trucs d'avant, ça existe toujours, il y en a toujours qui démontent. Les prods de maintenant, il y a des trucs, tu sais, les basses, tu vois, sur les prods de maintenant aussi, ouais. C'est violent, tu vois. Ouais, c'est... Voilà, ouais, moi c'est l'évolution niveau, du rap, je la kiffe. Moi je dirais, faut pas tout appeler du rap en fait. À partir du moment que tu sais faire la différence entre qu'est-ce qui est dur, et je parle pas, comme je disais tout à l'heure, hein, même dans les nouveaux trucs qui se font aujourd'hui, il y a du truc en peur à tout ça, c'est trop trop lourd. Même sur de la trappe, il y a des bougs qui viennent kicker, frère. C'est un truc de ouf. Donc moi, je suis pas à dire le rap, mais il faut faire la différence entre le rap et le reste. Il y a des artistes à l'heure qu'il est qui font de la musique. Je respecte la musique qu'ils font. Ils font leur truc, c'est bien, mais c'est pas du rap, c'est tout en fait, si tu veux. Et à partir du moment que la différence elle est faite, mais même quand elle est pas faite, je m'en fous un petit peu parce que moi je sais ce que je fais, nous on sait ce qu'on fait. Mais je veux dire, voilà, il y a le rap et il y a autre chose. Et peu importe ce qui est fait, autant que le mec qui fait son truc avec le cœur et qui le fait lui, et qu'il a la conviction de le faire et qui prend plaisir à le faire, voilà. Ben on est gros gros big up à tous ceux qui font de la musique par plaisir et avec le cœur. Peu importe, musique rap ou pas rap. Parce que voilà, la musique en général, c'est ça, c'est le reflet de la société, gros. Il y a tout. C'est comme ça. Après, chacun, à chacun de piocher là où il se retrouve. Voilà, et chacun sa sensibilité. Plaît, tu vois. Mais voilà, si on parle vraiment du rap, ben, moi je vais dire l'évolution, moi je la kiffe parce que je trouve déjà que si on était resté dans la même chose, il y a un moment aussi où t'as vu, tout le monde se répète. C'est-à-dire, les rimes, on les a toutes entendues. Tout le monde a tout fait. T'sais, vas-y, on torture la langue française dans tous les sens, frère. Vas-y, on a. Ça y est, tu vois, les rimes, elles ont toutes été faites. Faut apporter autre chose. Et effectivement, bon, bah là, ouais, forcément, l'évolution, c'est la trappe. Ok, la trappe, pas la trappe. Mais voilà, c'est comme ça. Ça a évolué, ça a fait un truc. Et ça apporte. Il n'y a rien à dire, tu vois, que t'aimes, que t'aimes pas. Ça apporte, c'est autre chose, c'est nouveau. Et voilà, comme dans tout, comme dans la société, comme dans tout, il y a du bon, du mauvais à prendre. Voilà, à chacun de faire ses recherches et de piocher ce qui lui plaît, tu vois. Et voilà. Moi, c'est ça. Moi, je rejoins les types là-dessus. C'est que, tu vois, vraiment, il y a vraiment de tout et chacun peut aller piocher ce qu'il veut. Après, là, moi, ce que je trouve vraiment lourd, c'est que, tu vois, vraiment, quand nous, on a commencé à faire du son, il y a quand même un certain nombre d'années, le Peura, c'était un truc qui était pas du tout mis en avant. Et là sur ces années-là, c'est la musique qui est le plus mise en avant. Et moi, je trouve que ça tue. Tu vois, du Peura, il y en a partout. T'en vois partout. Et je te dis, il y a 10, 12, 13 ans, 15 ans, c'était un truc qui était... Exact. Tout le monde ne donnait pas un avenir au Peura. Et le Peura, maintenant, c'est la musique. C'est passé devant tous les styles musicaux. Et moi, je trouve que ça, c'est hyper lourd. Et puis, il n'y avait pas les mêmes moyens. Tu vois, à l'époque, quand tu rappais, tu n'avais pas les mêmes moyens du tout. Tu vois, moi, je m'en rappelle au tout début, j'avais un poste cassette. Je mettais une cassette dans le truc, je mettais rec et je m'enregistrais dans l'enceinte du poste, en fait. Et j'avais mon poteau Marco, dédicace à lui. En fait, il était sur une platine salon. Ça veut dire, c'est même pas une platine de DJ, gros. C'est une platine salon. T'as 4 vinyles. Tu fais tourner ça. Il y a une prod parce qu'il y a des faces B sur le vinyle. À l'époque, t'as Wu-Tang, Bustaflex, Yvette Michel, des trucs comme As. Vas-y, tu poses, tu fais ton truc et t'enregistres sur la 7K. Y a pas de bac, y a pas de piste, y a rien. T'es là en freestyle. Et je veux dire, pour dire hier par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, y a beaucoup plus de moyens. Avec YouTube, avec même le matériel à la base. Aujourd'hui, t'as un ordinateur, une table de mixage, un micro. Vas-y, n'importe qui aujourd'hui peut faire un album qui finit dans les bacs. Voilà, exactement. Aujourd'hui, n'importe micro, qui de chez lui peut faire le bail. À l'époque, il fallait des connexions, il fallait connaître un mec qui a un studio. Les home studios, c'était pas si étendu à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est comme je te dis, avec l'évolution du matériel, ça s'est grossi. Pareil, au début, tu commençais, t'avais des faces B. Tout le monde ne connaissait pas un beatmaker. Tu vois, les premiers trucs, ça s'est fait sur des MPC 2000 à l'époque, même 2000, même avant, tu vois. Quand t'avais ta propre prod pour poser et faire ton truc, t'étais repeint. Parce que c'était une face A et c'était l'identité totale de ton son, en fait. Ok. Merci. Merci beaucoup. Je voulais demander, avant de continuer mes questions, est-ce que vous pensez que Masta, il écoute l'émission? Sincèrement. Est-ce qu'il est en train de s'acheter des nouvelles sneakers? Il regarde un match de NBA les nettoyer, les pichonner. Voilà, c'est ça. Okay. Là, peut-être il leur dit bonne nuit. C'était pour la suite, pour savoir. On lui en veut pas. Très bien. Bon, ben. Wasta, t'avais un avis sur la question précédente ou pas? Un avis de chimiste. S'il écoute, on le big up, par contre. Ah ouais, ouais, ouais. Bah viens, viens, Masta, viens. Ouais, viens. Allez, viens, on est bien. Viens, viens, viens, viens. Bien. Ah, on est très bien. Bien. Après, ouais, non, mais tout, ils ont bien ils répondu. Ont tout résumé. Ils ont bien répondu, les collègues. Hein. Aujourd'hui, c'est la musique la plus streamée dans le monde. T'en retrouves partout. Tu retrouves des influences du rap dans la variété, dans l'électro, partout. Donc, c'est normal qu'il y ait plein de styles différents. Après, comme le mix, c'est pour le meilleur et pour le pire, ça se dilue un peu forcément. Il y a des mecs qui se revendiquent un peu du mouvement rap et tout, mais en vrai, comme a dit Rizzo, c'est pas vrai. Enfin, ils rappent pas vraiment en vrai, tu vois. Donc, mais les sonorités viennent du rap, donc c'est. Si. Mais moi, tu sais, pour résumer, c'est ce que tu dis. Il y en a partout maintenant. Tu regardes une pub à la télé. Ouais. Le fond sonore derrière, ça va être une prod, tu vois. Mmh. Et moi, ça, je trouve ça ultra lourd. Mais après, dans les médias, les gros médias téléfoot. Mainstream, les gros. Prenez nos prods téléfoot, là, que vous nous envoyez des chèques derrière. Mais pour Gilardi, perds ton âme. Et des ballons, dédicacés, des ballons. Mais il y a encore quand même dans les gros médias, il y a encore un truc. Défilé. N'hésitez pas à prendre nos prods. Il y a encore un truc où le rap est un peu pris pour le vilain petit canard de la musique encore. C'est encore un peu une musique. Genre Victor de la musique. Ouais, mais il y a ça, même dans les émissions, tu vois les mecs chez n'importe qui, chez Ruquier, chez n'importe quoi, Ardisson, machin, ils se foutent de leur gueule tout le temps. Mmh. Tu vois, ouais, mais c'est parce que ça, faut le laisser. C'est pas le monde réel, ça, tu vois, c'est le monde des plateaux. Mais dans les gros, voilà, les gros médias mainstream, ils les prennent encore un peu pour des mongols, ouais. Quoi. C'est un peu encore les gars. Mais est-ce qu'ils sélectionnent pas aussi ceux qui ont. Ceux qui ont envie de sélectionner. Après, ils font venir de tout. De tout. Ouais, mais ils s'en sortent rarement bien. Les rappeurs en télé, ils sont quand même. Ah bah pas, oui. Ils ont pas de répartie. Non, mais déjà, ils sont pas accueillis comme des artistes déjà. Tu vois, c'est toujours orienté les questions pour les foutre. Non, mais tu vois. Parce que. C'est comme si là, on arrive, tu commences à nous parler. Ouais, qu'est-ce que vous pensez des manifs, machin. Tu viens pour parler de ta musique et puis tu te mets à devoir avoir un avis politique sur un truc, machin. Et les mecs, ils ripent. Derrière, il y a un montage. Enfin, c'est comme disait Usher. Ils vont garder ça, ça va tourner, tu connais. Comme disait Usher de Get Busy, il disait les rappeurs qui viennent dans les émissions, ils s'excusent d'être là et de vendre beaucoup plus d'albums que le gars qui fait de la variété à côté de lui, qui vend 10 000 albums et tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. Et lui, il dit non, t'as niqué le rap à gagner dans l'industrie, prends la place qui est la tienne, et on vous a niqué, et voilà, tu vois, faut arrêter de s'excuser et dire non. Non, les gars, c'est vous qui vendez le plus, allez vous faire reculer. Voilà, quoi, tu vois. Ah, le rap a détrôné le rock. Ouais. Moi, je me souviens de vieilles anecdotes de Big Up Rock, de Pips, tout ça qui me disait à l'époque. Le rock, c'était le rap de l'époque, tu vois. La maison de quartier de Planoise, c'était du rock. Le mec qui. Moi, mon daron, il se tue au rock, tu vois. Ça se tuait pour avoir des créneaux pour pouvoir répéter, mais comme c'était durable, c'était pas bon. Bref, ça, c'est encore d'autres débats. Excuse-moi. Non, vas-y. Petite question en passant, comme ça. Est-ce que c'est facile est-ce que c'est facile de rapper vite comme S2E? C'est facile ou pas? Parce que je suis pas le seul à taper des grosses accélérations. Hein. Je pense que quand même Lio, c'est celui qui respire le moins dans l'album. Non, mais lui, je pense vraiment qu'il a une bouteille d'oxygène. Il y a quelques jours là. C'est ce que je lui dis. Il a des bouteilles d'oxygène dans le dos, ce mec. Ouais. Il respire jamais. Je demande aux autres, hein, du coup, S2, tu n'as pas le droit de répondre. S2, c'est même pas forcément toujours la rapidité. C'est qu'il rebond. C'est que et puis le nombre de flows qu'il va te faire dans un couplet. Voilà, moi, c'est ça qui me. C'est ça qui me voilà, ça qui m'affole. Après, voilà, moi je m'affole sur chacun des gars de mon groupe. Hein. Mais c'était une petite. En fait, là, les questions que je vous pose, c'est des internautes qui nous les ont envoyées. Non, c'est pas vrai. comment vous expliquez la dextérité de Masta avec de si gros doigts? Ah, alors ça. Ça, personne ne l'explique. Même le FBI, ça, gros, pas trouvé ça, c'est un mythe. Même Masta, il sait pas. Hein. Ouais. C'est un mythe. À chaque fois qu'il mixe, il est étonné. Il se dit, sérieux, ça marche. Ouais. Et ça marche. Ah, mais gros big up à Masta. Il est méga fort, Masta. Il y a un moment, tu peux avoir des doigts aussi gros soit-il. Gros, le talent prend le dessus, tu vois. Masta, c'est la musicalité avant tout. Avant tout. Voilà, avant tout. Et l'amour de la musique. Moi, j'ai une histoire à donner sur Masta. Je vais pas donner de nom pour pas blesser des DJ de renommée, De renom, pas de renommée. Ouais, c'est pareil. Exactement. On sait pas où vous avez gros. On sait pas. Vas-y. Si tourner avec des gros artistes qui ont des grosses carrières, avec des grosses ventes, ouais. On a partagé des plateaux et j'ai vu ces DJ-là après le show et le set de Masta. Pleurer. Non, demander des conseils à Masta. Ah ouais, ah, ça s'appelle le sensei. Masta, bah ouais. On va t'appeler le sensei. Et ça, fallait le dire quand même. Si. Big up Masta. C'est vrai que Masta, il y a pas mal de plateaux où des fois, il y avait des groupes qui arrivaient, ils n'avaient pas leur DJ ou quoi. Bim, dernier moment, oh, Masta, il y a moins que tu viennes derrière nous. Tu vois, il assurait le show avec eux. Tu n'avais même pas l'impression qu'il s'était rajouté au groupe, tu vois. Si. Il est chaud sur ça, Masta. Méga chaud. Big up Masta, si tu nous écoutes. Bah justement, moi je voulais poser une question. Donc là, j'ai des questions un peu pour chaque membre du collectif. Donc je vais commencer par Rizzo. Rizzo, en 2013, dans. Dans Libération. Non, mais les gars, j'ai fait mes recherches, tu vois. J'ai taffé hein. Dur pour cette émission. J'ai même pris sur mon temps professionnel. Donc en 2013, dans Ma Thérapie, c'est le mic. Je connais pas du tout ce son, je sais pas d'où ça sort. Je l'ai jamais écouté d'ailleurs. Tu dis, je rêve plus de percer dans le rap, pour ça j'ai plus 15 ans. Cousin, j'ai plus 15 ans. Ouais. Mais maintenant que t'as fait 1 million de vues avec la chaîne Puriste, t'as pas percé pour toi dans le rap? Non, je me suis fait plaisir et ça fait plaisir d'atteindre le million de vues en cumulé. Mais si tu veux, non, justement, encore. Et le pire, c'est qu'encore moi d'hier, je rêve pas de percer. Le milieu, il est pas marrant, en fait, si tu veux. Nous, entre nous, on fait de la musique par plaisir, on se fait plaisir entre frères, tout ça. Mais sérieux, je critique personne, attention, hein, je critique pas en tant qu'artiste. Je dis le milieu en général, il est pas marrant, frère. C'est pas marrant. Il s'éclate pas, tout le monde, il est sérieux, tout le monde, il est truc. Y a personne qui rigole. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, après, ouais, voilà, tu vois, ils ont. Mais nous, non, mais voilà, je dis personnellement, tu vois, c'est pas. On pose la question, donc je rêve pas plus. Maintenant, même avec l'album, c'est cool, il tourne bien, les gens sont contents, mais encore moins qu'hier, je rêve de percer, frère. Après, si, voilà, comme il dit Lio, s'il y a l'aspect financier qui vient, c'est bien, mais je me mettrai pas plus en avant. Tu vois ce que je veux dire? Si on m'aime pour ce que je chante, pas pour qui je suis, pas pour des photos. Pas pour une mise en exposition, pour des lyrics, pour des images et pour ce qu'on fera. Donc c'est vrai que s'il y a l'aspect financier qui vient, c'est bien, mais c'est pas percé, frère. C'est simplement, tu fais de la musique, il y a des gens qui se retrouvent dedans, donc ils t'achètent et c'est super cool. Si, merci. Eh ben, vous pouvez retrouver Rizzo, Ma Thérapie, c'est le mic. Donc ça date ouais, un petit peu, mais... C'est un classique, ça. Faut écouter. Si tu ne connais pas Puris, tu ne connais pas Rizzo, voilà. Faut aller écouter ça. Rizzo, Ma Thérapie, c'est le mic, c'est 2013. Masta, qui n'est pas là, et S2E. Ouais. Voilà, donc S2E qui est là. Donc du coup, tu vas répondre pour Masta. J'espère que vous êtes... J'espère que vous avez à peu près les mêmes idées. Ouais, ça c'est sûr que non, mais vas-y. C'est sûr que non. Voilà, donc là, ça commence à rigoler. Donc depuis votre interview pour Cheval Magazine, ouais. Il y a 6 ans. Ouais, ouais. Est-ce que depuis cette interview pour Cheval Magazine, est-ce que vous avez été contacté du coup? Bah, on refuse des trucs à peu près tous les jours. Hein. C'est vrai? Bah, depuis qu'on a fait Cheval Magazine, énormément de magazines de découverte de la nature, de voyage. Ah ouais, vous êtes. Ah ouais, vous avez explosé en fait. Cette interview. Ouais, vous a... c'est pas du tout sérieux cette émission. Enfin. Donc pour les auditeurs qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de baragouiner, n'hésitez pas à aller voir. Sur la chaîne Puriste, il y a plusieurs vidéos qui datent de... Ouh. Ouais, elles datent. Qui datent de... En fait, le délire, voilà, c'est longtemps. Ça. On aime bien s'amuser avec les codes, tu vois. Les petits codes des interviews, des machins, de promo. Voilà, on s'est amusé avec. Si. Ben, moi, en tout cas, j'ai suivi fort. Et puis à l'époque, c'était S2E et Masta, les Tontons Sampleurs. Les Tontons Sampleurs. Encore du très bon boulot. Voilà. Voilà. Pas de soucis, je continue. T'inquiète, Lio, ça va arriver à toi. T'inquiète, ça va arriver. Donc, Masta S2, merci pour la Cheval Magazine qu'on big up d'ailleurs au passage. Et là, je vais passer. Je passe à qui? Je passe à Lio. Ah, mon ami Lio. Comme par hasard. Mon ami Lio. Je suis là, mon ami Chao. Non, c'est pas Lio, excuse-moi. Tu me fais des fausses joies. Calme-toi. Là, je passe à M. I. M. M en 2013. Allez, M. M. Ouais. En 2013, dans le son et le clip Dans ma tête, tu as déclaré. Là, c'est un sacré bourbier dans sa tête. Déjà. Voilà. Attends, mais je vais te citer. C'est un dimanche quand même. Plus vieux aussi. Si je te cite, je pense que tu vas retrouver. Un sacré bordel. Tu as dit exactement, je suis qu'un connard. Même pas capable de mettre des cartes sur la table. Est-ce que pour toi. Cartes sur table, pardon. Bah oui, bah ouais, les cartes sur la table. Ouais. Non, mais c'est moi, j'arrive pas à me relire. Si tu veux jouer au poker, en plus, c'est en suite. En plus, si tu regardes bien, il n'y a pas écrit là, tu vois. Mais du coup, tu te définis comme un connard. Ah, ça va mieux là. C'est ça, c'était les morceaux des vieux démons. Là, je. Maintenant, t'es un adulte, c'est beaucoup. Il y avait une grosse teinte rouge quand même sur ce clip. Ouais. Très très rouge ce clip. T'es devenu photographe ou pas depuis parce que au début du clip tu. Non, mais en même temps t'essayes de tailler, mais je comprends fort ce qu'il veut dire, moi personnellement. Parce que gros, quelqu'un qui est pas capable avec ses proches ou avec qui que ce soit de mettre carte sur table et de jouer franc jeu, comme on dit, c'est un putain de connard, frère. Ah. Tu vois. Donc si lui à l'époque. L'image est magnifique. Si lui à l'époque il était là dans un délire de. Il y avait des trucs. Qui bloquait et qu'il avait pas besoin, et qu'il arrivait pas à dire, et ben voilà, le mec il s'est défini. Justement, il a réussi à faire son autocritique et se dire putain de merde, je suis qu'un connard. En fait, j'arrive pas à dire les choses aux gens à qui j'ai envie de parler, tu vois. Et qu'est-ce que c'est voilà. Bon quand c'est expliqué. Et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux. Bon boucle là, bon voilà. Boucle là. HEM, putain de merde. Vous comprenez rien, bordel. Oh là là. Du coup, c'était exactement ça que tu voulais dire. C'était exactement ça que je voulais dire, en fait. Et c'est là où c'est lourd, tu vois. C'est quand c'est compris au mot. Ça s'appelle l'osmose. L'osmose. L'harmonie. Pleurons. Ouais, n'hésite pas à chialer. Puriste. Surtout, virus disponible depuis le 20 décembre sur toutes les plateformes streaming. Voilà, on est toujours dans la 25e. Voilà, on arrive à peu près à la fin de l'interview. J'ai encore quelques questions. Après, on va passer au live. Mais pour les auditeurs qui viennent d'arriver... Il va bientôt être 23h30. On est bien dans la 25e. Vous êtes bien sur Radio Sud 101.8, radiosud.net. Au fond, là, ce que vous entendez, c'est DJ Masta, la spéciale puriste, bientôt l'album, 23 août. Mais oui, il est sorti. Oui. En temps et en heure. Et puis, on a eu l'explication de texte de Lio, donc c'est parfait. Et je vais enchaîner sur Lio, évidemment. J'enchaîne sur Lio. Lio. T'aurais été fort à la télé, toi. Ah oui, mais j'ai... Ah là. Attends. Le raccourci est tout trouvé. Ça arrive, t'inquiète pas. Amazing. Big up Claire Balade. Chazal. Lio, en 2014, dans Mauvaise Graine. Ouais. Dans Mauvaise Graine, vous déclarez... Mauvaise Graine, qui est quand même un solo sans clip, qui a atteint des sommets de vues. Hein, c'est au vrai. Au moins 70. Des sommets. C'est vrai. Au moins. Je crois que t'as 70 000 en plus. Ah, ça doit être à peu près ça. Donc tu déclares, qu'est-ce que je déclare, dis-moi. Tu déclares, je parais, mais j'ai pas pris toute la phase parce que j'avais plus de place. Je parais fonce D. Non, tu dis je parais fauché, les paris se font. Ouais. T'as fait passer quoi ce soir sur. Alors hier soir, on est le combien là? C'est quoi la date exacte? On est le 16. Le 15 janvier, j'ai fait passer Neymar et Mbappé buteur que t'as 3-20, 50 balles, 160 propre. Lourd. Et j'ai fait passer dans la même soirée. Sur deux tickets, j'en ai pas fait 1000, j'en ai fait que deux. Les deux sont passés. Le deuxième, c'était Paris gagne et les deux équipes marquent. 100 balles, quota 2-20, 220, merci, bonsoir. Lio Prono. Voilà. Lio Prono. Donc pour tous ceux qui veulent... Ah bah heureusement, frère, on a de faire des pronos, cousin, qu'on passe sur le rap. Est-ce que... Est-ce sinon, on paierait pas de loyer. Justement, dans le son de M, je crois que c'est dans ma tête, à un moment, tu parles d'un bail comme ça, on n'a pas de son... Je dis n'importe quoi, mais c'est genre... Là, on n'a pas de son en poche, je sais pas quoi, mais pourquoi avec Lio vous ferez pas un truc de paris sportif, tout ça, et puis ça vous le refaites rap, sport, pétain, non. En fait, non. Okay. Non. Voilà. Non. Ok. On n'arrive déjà pas trop à sortir dans le son. Ok, très bien. Je suis même passé... frère, wesh, moi je fais mes tickets, cousin, j'ai pas envie de lui partager, comment. Il veut faire son bif, fais tes tickets, cousin. Putain. Ah ouais. Ok, très bien. Après, ouais, c'est non, mais lui, je suis un peu obligé de faire du son avec lui, mais là-bas, c'est pas mon gars. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, tu vois, on s'est croisé dans le bus depuis, il me suit. Vas-y. Comme son ombre. Non, je rigole, c'est mon frérot depuis l'époque du même IC. Avant qu'on parle de... Sacré HEM. De ces tickets perdants. Ouais, ouais, putain, merde, il va dévoiler, frère. L'envers du décor. C'est vrai que moi, j'ai pas demandé de ce côté. Gens, tout ça, tu vois. Mais bon. Moi, c'est vrai que normalement, j'anime l'émission avec mon binôme. Ouais, mais il est bien muet. Il est bien muet. My right hand. Oh, il a pris un coup de presse, cousin. On l'a plus entendu de My right hand. Et du coup, je suis avec Jounès. Jounès, il vagabonde un peu dans le studio, mais il prend pas. En fait, j'ai peur qu'il arrive avec une bombe et puis après il se barre chez lui en courant, tu vois. Donc, Jounès, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Il est 23h30 avant qu'on passe au live. Est-ce que tu as envie de. Regarde juste dans la vitre, derrière la vitre. Je peux pas trop parler. J'ai vu des mains. Alors, j'essaie de vous décrire la main qui se pose juste devant le. Les cinq doigts bien collés et puis qui va de l'avant et de l'arrière comme ça. J'ai vu ça. J'ai vu ça à l'instant. Donc, Jounès. Ok, donc Jounès a été payé ce soir. Soudoyé. Non, mais moi, je pense que Puriste, c'est un collectif byzantin, enfin, même régional, qui est plutôt talentueux, sympa. Ouais. Ils ont bien pris le virage du boom bap et de la nouvelle wave. Cool, quoi. C'est sympa, c'est bien fait, c'est plutôt réussi. Et puis, l'alchimie entre les composites, enfin, entre le beatmaker et tout le groupe est top. C'est génial. Ouais. Moi, je pense que c'est génial. Ça doit passer sur Skyrock, Energy, RFM, tout, Herbleu, tout. Voilà, on peut terminer là-dessus. Il a jamais fait une plaidoirie pareille en 3 saisons d'émission. Qu'on lui offre du labello. Ok, bah on remercie Jounès pour cette intervention. Voilà, vous pourrez voir sur Instagram. Voilà, le mec qui lève la main à côté, il est prêt à le défoncer. Voilà. Donc, on est toujours dans la 25e. Il est 23h31. Moi, personnellement, je tiens à vous remercier d'être venu ce soir répondre aux différentes questions. Voilà, on se connaît. On se connaît tous avant. J'ai une question. Oui. Ça pouvait pas se finir comme ça. Allez, vas-y. Basta. Ah oui, il prend son micro pour la question. Attends. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il file. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il a fui. Ça va être acté. Hein. Bon, je crois qu'il a fui. Ouais, il a fui totalement à côté. Donc ouais, j'en reviens à ce que je disais. Merci en tout cas à l'équipe d'être venu ce soir. Merci à toi pour l'invite, frère. Jojo Rizzo, on sait qu'il a sa chronique dans l'émission. Voilà, mais j'étais pas chroniqueur ce soir, j'étais artiste. Voilà, donc ça fait plaisir aussi de voir toute l'équipe qui est derrière, les anciens qui sont là. Mon rapon, mon trap, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Merci les anciens. Ouais, dédicace à tout le quartier, dédicace à tous les frères du quartier. Merci, il y a Théo Dezès qui est passé, voilà, il y a plein de monde qui était là ce soir, donc c'est cool. On est toujours ouvert, nous, le jeudi soir, pour ceux qui savent pas, de 22h à minuit. Tu pousses la porte, tu viens, tu te mets dans le studio, et c'est exactement ce qui se passe ce soir. On est comme à la maison, c'est juste qu'on a un casque et un micro devant nous, c'est tout. Ça pourrait se passer dans notre salon. Exactement. Donc là, il est 23h32. Putain de salon. Je tiens à redire une fois pour toutes, allez follow Puriste Musique sur Instagram, Puriste sur YouTube, Puriste sur Facebook. Si t'as pas compris, c'est P-U-R-E-A-S-T. Là, il y a plein de clips qui sont sortis, il y a des clips qui vont arriver, donc si tu mets pas la notification, t'auras pas le ding-dong, comme dit S2. Il y a même des clips de 8 piges. Il y a même des clips de 8 piges. Active la cloche. Voilà. Donc ce soir, je suis avec M, je suis avec S2, je suis avec Lio, je suis avec Rizzo. Il y a Wasta en plus. Il y a Hector derrière la caméra. Il y a Moha qui vient de montrer. Gros big up à Hector. Il y a tout le monde. Aïe. Big up à Masta. Et viens. Big up à Masta. Viens avec tes platines la prochaine fois. Crims KD. Ice KD. Crims Air. Le 2-5 Boomker. Bangs. Homicide. K2F, toute l'équipe, tout ça, Schneewewe, toute l'équipe du MKS, les sales gosses, tout le monde, gros big up. C'est pour Abou, ça bouge pas. Yes, Taïkaz, on pense à toi, frère. Fort. Voilà. Et là, on va passer dans la phase live. Donc là, s'il y a des gens qui nous écoutent en voiture, arrêtez-vous, montez le son. Faites une pause. À pied, montez en voiture. Voilà. Si vous êtes à pied, montez en voiture ou sur un vélo ou faites quelque chose. Non, moonwalk. Voilà. Si vous êtes sous le pont battant, vous n'êtes pas très loin, donc remontez et puis venez nous voir rue d'Arène. Et pour tous les auditeurs, vous pouvez monter le son parce que là, je pense qu'il y a un gros live qui se prépare. Aïe. J'ai reçu pas mal de prods. Vous m'avez passé 8 prods exactement. Je ne sais pas, il n'y a pas de. J'en ai pas entendu. Pas trop non plus. Vous ne savez pas trop. Ouais, non, c'est ça que j'aime bien. Vite. Donc là, on va envoyer. Il est 23h34. Vous avez une demi-heure devant vous pour c'est cliquer. Merveilleux. C'est jusqu'à merveilleux. Jusqu'à plus soif. Entre guillemets. Et en tout cas, merci à. Oui, tu voulais. Je voulais juste dire que c'est rare qu'on ait plus soif. Ça, c'est juste ouais, ça qu'il voulait dire en fait. Ouais. Voilà. Non, je me demandais si ce micro-là, il était pas un peu fort à l'heure, c'est tout, tu vois. Non. Ouais, J'allais faire un signe. Ça, c'est son côté ingé. Hein. Okay. Tu vois, ouais, les gars, non, mais sans déconner, c'est quoi ça. Tu comprends pourquoi on a mis 9 ans à faire un album. Voilà, à cause de gens comme ça. Je comprends mieux. On me stigmatise, hein. On me stigmatise dans mon propre groupe. Bah, apparemment, hein, ouais. Apparemment. Enculé. Non, mais ils ont raison. Donc 23h35. Pour tous ceux qui ne savent pas, ce soir c'est l'émission spéciale Puriste. Ils ont sorti leur album le 20 décembre 2019. Virus, 15 titres, fort. Puriste, virus, on distribue des rimes si dures. Ma rime si mise. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et là, on va passer dans le live directement. Big up à Masta si tu nous écoutes. Et n'hésitez pas à monter le son, j'envoie un jingle, j'envoie la première prod, vous vous installez autour des mics, vous mettez le casque, vous faites comme vous voulez, vous êtes chez vous, okay. Prenez possession. Si quelqu'un veut prendre le micro en plus ici, il peut, voilà, ça fait une personne voilà. En plus. Et voilà, et c'est parfait. Yes, on est dans la 25e, c'est Shao et Junes qui est plus ou moins là ce soir. Émission spéciale Puriste, n'hésitez pas à aller follow, on passe au live jusqu'à minuit. Et après, pour ceux qui veulent nous voir, on est là. Au 43 rue d'Arène, il me semble. Venez nous voir, il n'y a pas de souci. On est là jusqu'à minuit. Big up, big up, big up, big up. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Junes. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. C'est la session live. C'est Puriste, il est 23h30, on est dans la 25e. Show. Yo, Nyx, blast that shit. Wow, wow, what? Puriste, check. Puriste, virus. Virus, puriste, virus. Ya, yeah. Ya. Yeah. J'ai pas la tête faite pour les règles. Depuis que je vois les mêmes dans les caisses souterraines. Tellement c'est de la baisse, tu peux plus t'asseoir. On sent tellement seul qu'on parle plus qu'à soi. Ouf. La triche c'est la base, il t'arrache les ratiches. Y'a du sang qui tache toutes les Maseratis. À quoi s'attacher, saccager la cage. Pousser les frontières, modifier la carte. Y'a que la santé qui compte, mais yeah. Rien à compter quand on l'a laissé en paix. Ils sont de plus en plus cons, loin des limites vont devenir légendaires. La vie est belle à l'aurore dans le sud, ou quand un porc a ses torts dans le cul. Je casse des bouches, t'as des nouvelles de gens. Crié parmi mille comme un couplet de champs. Une piste, leur style je le plie, je ne pitre. Je dors dans le but, pas de Mr. Bean. J'écris des petites torpilles pendant qu'il sortit. Oui, revoyez le pitch, prévoyez le pire. Mais vous m'attendez pas pour le faire. Un pour le break dans les îles, deux pour les mettre dans les airs. Pourrait mettre leur mère en usine. J'ai tordu mes limites en scred. Imminente crise, trouver l'imminence crise. Et qui danse bison, mais ton équipe en stress. Si tu connais pas le respect, qu'on t'instruise. What the fuck, comme gangstar. 2h du match, j'suis encore dans le stade. Faut devenir un pion, ils font l'école dans ce cadre. J'suis jamais dans le pas, j'gravis solo. Paille d'astronaute. Cassez pas trop les couilles, on investit le château. Nique les chevaliers Jedi. Soulez, bourrez, barrez-vous de là. On n'attend pas les médailles. Ma télé, moi en train de se tuer, mais avant tout, allez acheter mon skull. 10 balles. Même si depuis j'ai du mal à gérer le fait de plus laisser parler mon cœur. Vous prenez pas trop les phalanges dans des murs, mettez ça dans la gueule d'Arastos. Les soucis font maigrir pire que les cures. Les bastos pire qu'un anneau. Bibi à d'autres, tes rêves de grandeur. T'es chichi d'ado. Ouais, ouais. Mon refrain, c'est un Mickey. Oui. Pas Marguerite Arose. Que des causes en prévision. Bresson comme des avec des flûtes. Avant de vouloir faire le con bouffon. Mets-toi bien avec tes burnes. Plus près des murs, ma classe est que de la vie de Pacha. J'ranime le bazar, pratique du racroix. J'm'abîme sur l'asphalte, sur le fil du rasoir. C'est qui tout double? Quand on s'allume, salut. Ma rue, salut, bordel de merde. Y'a des sales gosses derrière ta rue. Je le dis en douceur. Mais qui comme Calu, toujours dans l'abus, insalubre comme le double. Glock 2-6. Dans le placard à chausses, c'est un bloc massif. Du mousse et du mouette, l'album a les boucles, faut bouquer. J'suis dans le peur, à toi le bouquet, qu'enculé. J'suis resté poli, j'suis pas monté. J'en ai plus rien à foutre, j'ai pas signé. Les projets sont carrés, j'dois manquer comme Karen pour run et dégrailler. Amen, allez, ramenez-les tous. Menace l'équipe, on est sourd. Un tour dans la four, on est quitte. Montée de phéromone, on va te faire un bail, yeah. Tu crois que c'est joli le rap, ouais. Un 4x4 et des vides teintées. Toi, t'as signé le papier. avant toi vite, toi une vie de raté. J'ai peur que les copains prennent des peines de toquer. Ça résonne dans ton quartier des condés. Des secteurs qui se monnaient, on sait qui est qui, des copies, des compères. Donne du respect, enculé. T'es face aux aînés, on n'est plus des petits. Tu peux parler, ça y est, on se croisera en régie, on verra qui est qui. Oui. Yeah. En concert, on t'invite. Peu de chance de me croiser dans un VIP. Ton avis, je te l'enfile. Je m'en conne, c'est magique, on va causer de ma zik. Yeah. On fait ça sur l'honneur à des horaires bizarres. Bizarre, voilà la ville, on n'est pas ces fils ça. Parle à ma vie, rien à battre de ta vie, on n'est pas ces fils ça. On n'est pas ces fils ça, on n'est pas ces fils ça. On n'est pas ces fils ça. Puriste, on est tous, mais on le sera plus. On doit des loyers à Renault, on a trop traîné dans les voitures. J'ai cueilli ma plume avec une serpette de druide. Je marche dans la ville comme dans un désert de vide. Genre Emile Van, Ricane, chercher vie calme et rude. Je pigrafe mes ruses, moi des petits connes véreuses. De le virus, plus tard je veux être touriste. J'suis pas fait pour courir et jurer sur Crésus. Chaque soir reparti comme Minus. J'ai vécu des heures sombres, j'veux des grandes minutes. Si l'avenir obscurcit, j'vais lui tailler un Vélus. J'vais pas chanter pieds nus, ah, chez les copains qui luttent. Tellement de gens simulent dans cette danse folle. On marche la tête dans le faune, vers un restant de force. Attaquer viser l'os, vélo série c'est féroce. J'rappe avec des vrais gars, j'm'en prends de tes références. Putain de merde, j'ai le swing dans la patte. Ils boivent de la pisse à la suite dans la paille. J'suis un pur sans narval. T'as zig sans la face, même au-dessus de sans la vache. T'es la chute sans la vanne. Hein. Ils sont ambigus, ils sont en promesse. J'suis dans la galaxie d'Andromède. J'envoie différentes comètes, j'envoie les pires au commerce. J'ai tellement de rimes à revendre que j'fais du tour au commerce. Si t'es pas tant qu'on commente, c'est tout ce qu'ils savent faire. Les Casper, les asperges. Plein de recettes de clichés. La tête tellement vide qu'elle me sert de pichet. Ce monde est une carotte, rien ne sert de piger. J'ai le tir épicé, net triché, triché. J'expire des fusées de mots fumants rédigés. Je me trouve indulgent, bien trop maîtrisé. Usant j'ai visé. Usant j'ai visé. Virus. Virus. Virus. On dit tribu. Virus. Virus. Sirius. Puriste. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Dérime. Sidur. Sidur. Sidur. Puriste. Sirius. Virus. Virus. Puriste. Tribu. Sidur. Sidur. On dit tribu. Puriste. Virus. Yo. La 25ème. Puriste. Ok. Ah. Oui. Ah. Ok. Rapper c'est facile, je te montre. Crois pas que ça fasse une montre. Du temps j'y ai passé, passion égarée, passe à la caisse et on bombe. Quelques années qu'on ronfle. Le réveil est brutal, sorti du plumard. Là dans les monstres, un chromé démon. Je vois tous mes démons. Rapper des heures et des années. Frapper des prods et les laisser mortes. On empile les corps, tu vois le décor. Wasta désolé. Envoie ta prod, on la casse. Je vois que tous tes gars c'est des gueules. Pas méchant à la base, je vous envoie des cœurs. On a cassé des gueules. Je suis passé mes nerfs et pas que. Tape la vis qui débatte. Ma ville est maudite, plus rien nous motive. On la connaît par cœur. Dans nos logis, y'a des rires et des pleurs, des crimes et des peurs, c'est chronologique. Oui, on a plus le temps ni l'heure. La vie dans ta fête, c'est pour visser les loges. Jusqu'à mystère et glauque qui s'habite dans la fenêtre. Dans la misère et cloche, j'ai trop de temps pour admettre. Navigant avec les autres et les halls. Mon ami c'est mes poches. J'ai trop vu glisser des roues, donc j'applique des méthodes pas apprises à l'école. J'économiserai des forces. Bang, bang. Et c'est sodomiser. Sauter du tourniquet, c'est un panneau précoce. Pas quoi polémiquer, on va coller des gauches. Mon gars, pour ton ticket, sois pas timide, approche. J'ai pas fini ma broche, qu'on s'approche. Déjà dure pas de midi, t'minique, t'accroches. Tu manges une rock 4 minutes. Du rhum, coca, j'm'administre sur un toucan. Si je rentre trop tard, ça va se finir en bas de sinistre. Remballe ton micro-trottoir. Dans classe, j'ai mis trop de vodka. J'ai pas de limite, fais pas le mili. Quand en cas de litige, t'angoisse comme mytho au star. Puriste, virus, on distribue. Des rimes si dures, maximus. Puriste, virus, on distribue. Ya, ya, j'ai rendre une visite aux manières visigotes. Lancer la carrière des comiques qui s'ignorent. Fumer sur la ville, on bricole. Puriste, de face en janvier, je fais revenir les cigognes. Ouais. Ouais. Ils se félicitent, j'ai pris note. Ils copient, ils s'astiquent, leur désir est réciproque. Aura bien si t'es mignonne, fais de la place pour les miens, protéger vos petites colles. Satané, soif de roguide, on n'a pas l'air malin comme des haltérophiles. Gardez vos fites, ratez vos vies. Je suis là, mais je m'en prends masque et la méthodique. On a l'arc et nos fils depuis l'aube. Lâcher des rimes de pilote, on n'a pas le même profil. Je suis le baron de la verve, le patron de la grève. Je pisse de le plus grave depuis le 4, on l'arrête. Puriste, virus, on distribue. Des rimes si dures, Maclixymus. Puriste, virus, on distribue. Des rimes si dures, Maclixymus. Puriste, virus, on distribue. Des rimes si dures, Maclixymus. Puriste, virus, on distribue. Des rimes si dures, Simis. Puriste. Oh, ouais. Puriste, virus, on distribue. HUM. Puriste, RTZ. C'est comment, c'est comment? Virus, virus. Depuis tout près, je voulais bouffer le monde. ok, ok. Depuis tout petit, je voulais bouffer le monde. Ok, ok. Depuis tout petit, je voulais bouffer le monde. Ok, ok. Ah, RTZ. Banks, banks. Depuis tout petit, je voulais bouffer le monde. Percé dans la cible comme Charlie. Fous la caille encore une fois au micro. C'est pas grave, j'ai perdu mon texte. J'pose mon mic avec mes puristes. Fous la caille encore une fois, ça vient cracher. Qu'est-ce que tu veux que j'dise encore une fois sur le beat? Y'a pas d'adage à vous proposer. Il pleut du manque de fric, y'a beaucoup de paraffine. Très peu de parapluies, j'bouffe des tartes à la tuile. Plein de saladiers, très peu de salsa latine. Le peuple en sourdine contre un tas de cannabis. Deux mots, j'mets 24 carabines. Ils bombardent ta mif, mettent le fric à l'abri. Un tas de maladies que le système t'inocule. On part sur la lune, on répare pas la vitre. Y'a plus d'écart, c'est le vide. Faut que je trouve la vanille, mais on bouffe la manite. Perds pas la ligne dans ces belles analyses. Faut des vues pour qu'ils voient le pot de la rime. Oui, ils sont réputés pour la petite enveloppe. Députés nous chient dans le col, qui sont les grands hommes. Les valeurs c'est tellement beau, ils en ont fait des sommes, ils ont même fait les sols. Goûte à la peur moderne, la banque à l'appétit du pauvre que les keufs protègent. On est trop pour un seul soleil, t'aurais voulu faire autrement, y'avait qu'un seul modèle. Ils défendent ma liberté, j'ai peur pour elle. Tous attachés avec un seul boulet, entre deux rêves rouillés. Des fois j'ai le cœur tout raide, mais l'espoir au placard il fait que de couiner. Je fais des rêves impossibles. Ah, ça date pas d'hier. Non, non. Je fais rien d'y penser. Ah. Les indispensables, y'en a plein les cimetières. Oui. Ah. Grandir au gré des sirènes et à pire, j'alterne, je m'endors, je m'active. La ville m'inspire, je mastique la vie de la spipe. Maudit mes frères, maudit éterni. Ouais, ça s'éternise, une vision établie. Et je connais mes principes. Présent dans l'absence, une parole dans le silence, c'est brillant. Des liens, ouais, c'est friable. Euro ou dollar, c'est trop tard, y'a plus rien. La trentaine, c'est trop naze. Tu t'en sors, mais tes copains s'enfoncent. Te rappelle de ces deux-là. Ceux d'enfoncer des trimards enfoncent. Un 16 et je suis plus là. Toi t'es posé sur le divan. Je suis reparti au taf. Et mes journées sont plus longues. On verra demain. Ouais, ouais. Vers Saint-Domingue. Ouais, ouais. On verra demain. On verra demain. Pas d'imposture, j'ai charisme même sans costume. Je reste inconnu, cherche la rime de l'album posthume. C'est qu'on bosse dur, je fais le consent que ma vie se consume. C'est dur d'être conscient, peut-être un jour faudra qu'on se fume. Vu qu'on se fique à l'instinct et que tu suis parlant grosse thune. Gosse du secteur vit tout vite dans l'instant. Le calibre à la crosse dur, se cachette le doigt l'esté. Il galope à la crossfit, ce petit gars fait de la coke pure délesté. Il profite pour rester faux le respect, elle mérite, reste vrai. Je t'explique, si t'es vrai, hésite, je l'ai vu, tes frites, les flics vont te péter. Je trim fait TP, bouge ton cul dans le bâtiment. Pas de PTP, j'suis ravi si les boutons plus ton plus. Monte la sono, poteau, faut qu'on perce. Sortez les contrats contraintes, il faut qu'on brasse la compte ton père. Ouais, ouais, on sait que tu coopères, remballe ton baratin. Fais gare à toi, ce putain de vécu, ce chronomètre. Laisse ton zéro frère avant de t'accaparer la tempe. Tu vas parler latin quand je viendrai prendre mes honoraires. Bebanks, Bebanks, Lio, je rentre dans la foule à la pénale. Hein? Oui, oui. Sadi, Sadi. Puriste. Ok. RTZ, RTZ. Hey. Petit, je voulais bouffer le monde, percé dans la zig, buté comme Chayem. Chayem. Petit, je voulais bouffer le monde, percé dans la zig, buté comme Chayem. Je sais ce que c'est de lutter quand sa mère sans bon salaire, sans bon trajet. J'ai suivi la route dans laquelle il n'y avait aucune lumière, aucun réverbère. N'ai jamais trop squatté le showbiz ou manger pour une trêve. Vrai frère. Oui. Si tu vois que j'éclate un mec, c'est sûr qu'il a mérité. J'suis dans la paix comme Martin Luther, mais le malin m'observer vient vérifier. J'ai lâché des lyrics encore pires que celles de l'armée russe. J'étais de ceux qui restaient improvisés tard sous l'abribus. On a tous graillé dans un grec à 5, mais viens taper ton croc. Noyer nos peines dans un verre à vin, en apnée, en crawl. J'ai des phases à gauche pour les prochains soutiens. Impossible de quitter la cabine ce soir. Y'a des absents qu'on se souvient. Mais les blessures embellissent le monde, il les sache. Eh eh. J'ai essuyé les tacles. Me suis relevé une deuxième fois. Comprends que je compte éviter les tacles. Laissez-moi la méditer, j'ai mal. J'ai pas le thème si tu me pousses à bout. J'ai pas le temps pour les checlats. Une bouteille de rhum pour la route. Toujours une goutte pour ceux que Dieu me garde. Je n'ai pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps. Puriste, puriste. Je n'ai pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps. Tu penses mieux le shit que Vigra dans Tridrogue. Ouf. J'ai pété l'uniforme, dirige le cours de gym. T'es con si tu pris l'homme. Trop de vie sans binôme. Des liens sans philo, je suis mondial au philo. Mondial de philo, j'ai pris l'or. Le monde allant plus mal, je suis plus fort au final. C'est fino raffiné. L'espoir a pris l'eau, j'ai filmé. Je prendrai l'apéro à Sydney. Truc et les JO, les Chiro et Triqué l'ont pris haut. Je pars avec brio, t'as pillé bélier sur ma Clio. Tout est maquillé, ma guimauve. des choses à faire oublier. Moyen t'es mis haut, je suis nouveau nominé. Nouveau mobilier, nouveau proprio. Rester dans le préau à crier sous les gaz lacrymo quand j'écris le requiem. J'ai pas le temps de nigo, faut que ça tue. J'enterre le magot sous la dune, faut que ça dure. J'encule la nature, je fais des tours d'hélico. J'ai pris des photos de l'école des mioches du jus. J'ai pas le temps de nigo, faut que ça fuse. J'enterre le magot sur la dune, faut que ça dure. J'encule la nature, je fais des tours d'hélico. J'ai pris des photos de l'école des mioches du jus. En sens du dîner, même pas là pour le prêche. En retard puis la crèche, j'lève mon doigt boudiner. Carreau brisé, c'est pas grave qu'au ciné. J'étais déjà obstiné, même pas l'âge pour le sexe. T'es pas là, son pas n'avancé. Kalash et garde à foncer. Tu cries quand un mox, nous t'es pas là, on se tait. Observe bien ceux qui stagnent, n'est pas d'avancer. On rappe qu'à danser, mental à l'ancienne. T'as pas lancé, rayon n'est pas dans ça. THC qu'on dansait, craint déjà qu'on décède. Car des siècles la pensée, donne pas que j'ai décerne. Nous a jamais rien décerné. Nous-mêmes chercher nos selles. Veux pas nous reprocher, déserter. Parti chercher l'oseille. Le sommeil à nage, j'avais ça depuis un bail. Le soleil à la plage, nique sa mère, j'file en taille. Peu philanthrope, putain, speed dans le casse. Mon pote, faut qu'on croque dans un esprit rentable. J'm'esquive en crap, tu vas rien remarquer. T'as rien capté que j'ai l'esprit dans le val. Et pris d'angoisse quand je vois l'actu. Plus de la thune, mais voix lactée. Puriste, virus, on virus, dit très virus. Des rimes si dur. Ma clique s'immisce. Banks, banks. Eh, eh, la 25ème, ok. Puriste, spécial virus. Chaos, plus de 10 minutes de freestyle. L'album disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez péter ça partout. Et pour ceux qui n'ont pas dosé, il est sur YouTube. Big gratos, gratos. Banks, banks, banks. Puriste, P-U-R-E-A-S-T. Yeah, yeah, yeah. Un petit mood, ok. Sardine. Broken. Ok. Banks, banks, banks. Ouais, ouais, ouais. Okay. RTZ, ouais. RTZ. Ouais. RTZ. Sardine, ouais. Sardine, sardine, sardine, sardine. Ouais, ouais. Pour le week-end, pour le week-end, pour le week-end. Sardine, ouais. Ok. RTZ. Pour l'instant, pour le week-end, rien de prévu, miss. À part un abus de Zeb, sous collal, comme d'habitude, la crise. Prendre l'amplitude. Les voisins aux Seychelles, égare les soirées stud. Même si je sais que tu kiffes pas. Girls pour le week-end, y'aura ni champagne, ni soirée au coin du feu, ni maison à la campagne. Mon compte en banque canne et le croque-mort en riz. Y'a trop de corrompus, alors moi je crame des sticks avec peu de calories. À mon aquarelle, sans rien dans mon jeu. Les 5 premiers jours je galère comme les deux autres, alors j'économise. Colobis comme quand ça se bouge sur Compute Love. Ou que ça gonne sous de qui le bis quand le ghetto groove. Non y'aura pas de soirée VIP ni tapis hand pour le week-end. J'finis mes rimes, ensuite j'me taille au rhum. Tout au plus j'peux te payer un grec. Un coup à boire, je sais c'est pas galant. Mais bon t'as vu, c'est pas la mer à boire. Si, si. Hey, hey, hey, hey, hey. Yo, yo, yo. Virus, virus. Récupérer sauf temps perdu. Tout réparer sauf si tempête dure. On se croit tous préparés mais la tempête perturbe. Je peux plus énumérer tous ceux dans l'écume. Tous selon les goûts. Ils sont tous à les légumes. Sous ce monde dépouille. Oui. Sous Jack on des plumes. Ici pas les chefs tolèrent mais les recrues descendent. En échec scolaire depuis début décembre. Mental tout pour l'oseille en recrudescence. Ils ont perdu le sommeil, ils osent même plus descendre. Perdure le réseau quand t'as perdu récente. On va faire durer ça sans sur l'air pure naissante. Trop de mer sur les ondes, on vient perfuser le centre. Je la terre du démon et puis faire fuir les anges. Tous ces prix d'étrange, syndrome d'esprit détend. Un gros t'esquive les hanches, puis improvise bêtement. Improvise les jambes, pour trop vite des hanches. Tout va trop vite, je déclenche, lâche pas le chromis des branches. Banks, banks. Tapis. Une dégaine de déclisse au café. Jeunesse dépassée, noisette, une garoque est cassée. Une masse à ça s'achète. J'manie les graves, les aigus. Faut des écus. Puriste écurie, j'écris des tueries. Eux font des excuses. Rien à foutre qui s'excuse, on les punit, ils sont bancales. T'aimes à mon débit, gros débile. Au début, c'est béni, faut banquer, c'est cocasse. Y'a pas d'occasion. Hey, hey. J'réponds pas, j't'ai bloqué, j'suis pas la grosse tata. Ma beauté, c'est pas what tu gars, la cotaga. On grandit trop vite, on se balade au tropique. Digère l'argent de la carte. Ouais, je suis pas là. Ouais, je suis pas là. En garde à quand ma maman m'appelle. Oui, oui. Absent comme joli et petit, j'ai zoné, j'ai changé, c'est plus la même. Je fais sauter tes barrages, peur à ces banales, en caïra comme galas. Amoche la ganache, peur à ces perras, prends pas que t'es pas là. Je vais manger sur toi comme les rats des labels. Mes textes et mes notes, c'est pour que je me rappelle. Beaucoup de projets, donc je vais dormir à peine. Parce que je sais très bien que je vais dormir à perte. Hein, la brume se tasse. Qui pourrait les pétales? Nourrit les pétasses, c'est l'état qui sourit. Soumis les hommes comme les souris, hein. Puriste. Ya ya. Puriste. Puriste, virus, on distribue. C'est comment? Ya ya. Putain. Vite qu'elle se lance, elle a l'air de flinguer celle-là. Aïe aïe aïe. J'espère que ça vous plaît, où que vous soyez, dans votre voiture, chez vous. Big up à vous ceux qui écoutent. Aïe aïe aïe. Virus, virus, on distribue des rimes si dures. Ma rime si mis. Virus, virus, virus, virus, on distribue des rimes si dures. Ma rime si mis. Ma rime si mis. Ma rime si mis. Ma clique si mis. Ma clique si mis. La 25ème, Radio Sud 101.8, radiosud.net. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est le live des puristes, il est 23h55. Temps additionnel, mon gars, temps additionnel. Je vais manger sur toi comme les rats des labels. Mes textes et mes notes, c'est pour que je me rappelle. Beaucoup de projets, donc je vais dormir à peine. Parce que je sais très bien que je vais dormir à perte. Ah, la brume se tasse, qui pourrit les pétales. Nourrit les pétards, c'est l'état qui sourit. Soumis les hommes comme les souris. Ah, me lève tôt, c'est pour prendre assez de fric. Mon gain, ta perte, on se complète assez vite. Ils veulent ma plume pour se pendre à ses lettres. J'ai balancé litre et la goutte qui déborde. Pareil que je suis poison, mais que les portes assainissent. Oui, ils ont dit la guerre est propre. Pris les minerais, c'est la pire des époques. Ma dieu de 20 Mireille, il monte à l'école. Garde ma ligne, mec, chez Fly Emirates. Je suis dans le bac des migraines, le crime en loisir comme si je braquais le week-end. Ah, je suis dans le bac des migraines, le crime en loisir comme si je braquais le week-end. Ok, ok, ça dit. Je vais pas me décaler si t'arrives. Chez toi t'es taré, c'est ta hive. Je passais année à préparer le tarif. Laissez place au calais, on vient placer le baril. C'est beurre craqué Paris, c'est beurre craqué para. Sac à parer, les seuls liens des parages. Tes vieux gars vont s'arrache, cousin t'as qu'à parier. T'es haut du panier, t'es au fond du garage. Gage des, ça y est, rien que tu rages. J'enclenche des gars, j'ai pas d'escalier. Cette année je nage car stagne, me grave et ça de l'école au cache des saciers. J'ai gagné car je vais garder le café, pas mes cartes des palmiers. Pas les pattes, je réclame mes parts, je veux ramener le cash et me parler. Banks, banks, puriste. Ok, ok, ça dit. Ok. Débrouillard comme fraîche depuis Missy Bougie, oui. Ça dit, ok. Débrouillard comme fraîche depuis Missy Bougie, oui. J'ai su tenir le cap comme un pirate en mer des Caraïbes, oui. Enchaîner les épreuves, le système de hantise de bouc. À camoufler mes peurs, mes doutes, le fait que je me prive de tout. Vivre comme Polo, à devoir apprendre à vivre vite. Un jama, attendre un signe devient spliff de weed en guise de Peggy ou d'elle. Histoire de m'évader des tristes nouvelles et des passages à vide. À la casa, absent et souvent trop. À cocher les billets de ce que j'avais pécho sous le manteau. Je suis en 4 heja comme Momo. Plus de balles dans vos cercles sur la peau. Ni dans le game, ni dans la coke. Un MacGyver en herbe. Un basketteur hors pair à pipi sur le playground. Assez solide pour éviter de finir sous des rails. Appuyé sur les chimies du haut du balcon comme Salim. En ghost latine, péta dans les galeries. Loin des schmeta ou autre, avec l'art de l'écrire en poche, tu t'en sors mieux qu'avec une cagoule et un 9 mili. À visquer les feux que avec des stratagèmes de ouf. Là, ne pas vouloir mourir à s'y mettre sur debout. Je pèserai les normes jusqu'à arriver sans entendre la zig du balai des anges. Pour comprendre ma vie, fais parler mon ombre. Je me rappelle plus si la page était blanche. Pour ma place, j'ai bu de large tasse, vu les sarcasmes, rue des sales garces. Loyauté, c'est pas fait pour les yaches. T'avais pas le compte, on n'a pas fait l'échange. C'est la soirée oui, puis c'est la soirée puis virus, on distribue. Je suis désolé, la prod elle s'est coupée. Mais là oui. j'envoie la dernière prod. Ok ma gueule. Je sais que à côté il y a aussi des jeunes là, il y a EDRF, il y a Gore, ils ont envie de kicker un petit coup. Donc j'envoie la dernière de puriste. Je roule. On laisse la place après. Et on met 10 minutes. Vas-y, on met 10 minutes ceux qui veulent venir kicker, ils kickent. Et sur la dernière prod de puriste, on aura un invité, on aura un petit ref qui est là. Et qui va kicker avec nous sur la dernière prod de Puriste. Et après, on va ouvrir le freestyle à tout le monde. Mais là, déjà, il y a un petit ref qui est là avec nous. C'est la Mif, il va venir rapper sur la dernière prod. C'est parti, c'est la dernière prod Puriste, Radio Sud 101.8, radiosud.net, la 25e. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les gars, il n'y a pas de problème, j'ai trouvé. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Banks, banks. C'est le 2-5, triple. Aïe, aïe, aïe. Serkan, balance ça, balance un petit truc là. Hein? Vas-y, 2-5 triple 0. 2-5 triple 0. 2-5 triple 0. Prends des petits t-shirts bonnets, des schlags tapés lacés. On le connaît pas lui. Il y a forte chance qu'il soit smillé. Capital du temps, je peux te donner l'heure de ton décès. Ah. Je connais la vie comme ma poche. Fais gaffe si tu veux nous menacer. Comme partout, ça charbonne. On est d'ici, mais on se sent quand même étranger. La capitale par les villes d'à côté. C'est chez nous que le business part. Ici, on apprend vite que les balles sont plus fortes que les muscles de fitness park. Tu me saignes quand les bécanes sortent. Le petit sert devant les tempêtes. Comme partout, il y a des balles qui se perdent. Des mères qui pleurent et des pères qui saignent. la haisse, personne ne la supporte. J'ai vu des salauds porter leurs couilles et des bonhommes perdre les leurs. J'ai vu des bonhommes perdre leurs couilles. Je vois plus les portes. Tu vas clignoter sans les strophes. On te fait signe dans le télescope. Sans frais d'escorte, je stockera frais comme caméscope. Jeunesse croque, change les coques, mais pas les scores. Entrée sport, je suis dans le fond stop, je suis dans le socle. Passion de l'hosto, je suis dans le show. Refusant de donner le dos, je connais le dogme. Dès qu'elle dort, je fais cogner le dog. Un peu de peine, je remets de l'ordre. Ah, notre